on s'en va en élection. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Marois, elle veut passer sur la division entre la CAQ et les libéraux. Les gens qui aiment pas Pauline, qui aiment pas le PQ, vont soit voter CAQ ou libéral. Et elle, elle va passer entre les deux. Sauf si on met un terme à la division et si on fait un vote stratégique. On regarde qui est en avance, puis on vote pour lui. Anybody but Pauline. Et hier, sur mon Facebook, j'étais à 95% de gens d'accord avec moi. Ah oui? Ouais. Moi, je suis rendu là dans ma réflexion personnelle, là. Ferais bien ce que vous voulez, là. Moi, je vais regarder qui est en avance. Moi, je suis plus CAQ. J'ai voté CAQ dernière élection. Mais si François Legault a aucune chance de former le gouvernement, si je vote Legault, je vote Pauline. Ça va faire l'affaire de Pauline. Pauline va être contente. Fait que si Couillard a plus de chance, je devrais voter libéral pour bloquer Pauline. Mais je sais que c'est, ah, Butch, les convictions, voyons, si t'es plus CAQ, vote CAQ. Ouais, mais on divise le vote. Ça fait l'affaire de Pauline. Tous ceux qui sont pas péquistes, ils vont se ranger soit derrière Legault ou Couillard. Ça marche pas de même. Mais l'autre question à se poser aussi, est-ce que t'es plus CAQ ou t'es plus anti-péquiste? Ouais, c'est une bonne question. Studio à commercial FM93.com ou allez sur Facebook, on pourra poser la question sur le site de Bouchard en parle. 6:55, la pause tout de suite. Jean Gagnon s'installe en studio, le président du syndicat des cols blancs de la ville de Québec.